sa couleur curée. Oh la salope qui vend, oh la vie au dé. Et vraiment pense le pivers, c'est bon. Voilà, Namiri. Même sa rétence, c'est pour eux, ça rend. Thank you.